Fiancée mexicaine, par Louis Bousnard. Première partie, Jean de Fer. Chapitre 1er. C'est au Mexique, sous cette zone intermédiaire qui confine à la fournaise des terres chaudes, tierras calientes, et touche au plateau des terres tempérées, tierras templadas, par 5 degrés au-dessus du tropique, mais à 1000 mètres d'altitude. En bas, c'est la terre chaude empoisonnée de la Veracruz, de Tampico et de Matamoros, le lieu d'élection du terrible Vomilo Negro. Ici, le printemps éternel, avec parfois de subites incandescences, mais où du moins l'homme peut vivre sans péril et sans souffrance. Voici la forêt vierge, qu'un caprice de Nabab semble avoir transformée en un parc sans fin, un parc grandiose et formidable, avec ses arbres géants, pavoisés d'orchidées, enchevêtrés de lianes, sous lesquels rugissent les jaguars, les pumas et les léopards, une futaie sans fin, avec des acacias à gomme, barbelés d'épines, des citronniers sauvages, des dracénas, des jolantes, des camphriers, des latanias, des poivriers, des magnolias et des lauriers roses, retraites inviolées, où bourdonnent les colibris et les oiseaux-mouches, où bavardent les pies au plumage d'azur, où s'ébattent les turbulentes perruches multicolores. Et là-dessous, couvrant le vieil humus qui déborde de fécondité, l'éblouissant parterre, où se glissent les vipères noires et les serpents à sonnettes, les scorpions et les araignées crabes, les bongares bleus et les élapes corail. Une immense avenue troue en ligne droite la masse imposante et fleurie. On dirait un tunnel de verdure au bout duquel apparaît dans le lointain un groupe de constructions blanches, un groupe important qui empiète sur le désert tout proche. Est-ce un bourg? Est-ce une ville? Non, c'est la Hacienda del Refugio, la plus riche plantation de coton de tout le Mexique. Vers l'autre extrémité de l'avenue, qui se perd dans la forêt, des hommes vont, viennent, discutent, regardent, s'agitent. Ils sont une dizaine, et dans la force de l'âge. Longs cheveux, teint basané, moustache en croc, dents de loup et prunelles luisantes, ils portent le pittoresque costume national. Large sombrero garni d'une toquille d'argent, gilet en cœur à gros boutons ronds, petite veste de torero, vaste pantalon recouvrant toute la beauté ergotée d'un éperon grand comme une soucoupe. Il prépare sûrement une embuscade. À les voir évoluer ainsi, on les prendrait volontiers pour des brigands d'opéra comique. Mais le ton de la conversation, l'énervement du chef, sa pâleur, montrent que l'embuscade précède un drame de la vie réelle. Ce chef est un superbe métis, au teint légèrement teinté de bistre et dont les traits sont contractés par la fureur. Il tire de sa poche une grosse montre en argent et s'écrie « 8 heures, l'instant de leur promenade quotidienne. Il me semble qu'ils arrivent, que j'entends le galop de leurs chevaux. Allons, camarades, presto, presto !» L'un d'eux hausse les épaules et riposte en riant « Comme tu es pressé, Andrés !»« Hé, hey, caray! Nous avons bien le temps de fumer une cigarette !»« Hiro de Oaxaca, fils de pie, tais-toi et surtout ne fume pas !» Veux-tu que Don Blas et la señorita sentent au maudit tabac, soupçonnent quelque chose, tournent bride, ils nous échappent? Et alors adieu cette vengeance que je veux terrible, adieu cette rançon que je veux énorme. De quoi nous enrichir tous, n'est-ce pas? Oui, tous, je n'ai qu'une parole, vous verrez. Mais assez bavardé, vite, nouez deux lassos bout à bout. Mettez-les à plat sur le sol et en travers de la route. Cachez-les sous les feuilles mortes. Bien. Tapissez-vous sous les buissons, 5 hommes à droite, 5 hommes à gauche. Toi, Pablo, prends un bout des lassos. Toi, Benito, prends l'autre bout. À présent, un dernier mot. Escortés de plusieurs péons, seront en tête du peloton. À mon coup de sifflet, vous tendrez les lassos et vous ferez feu sur les péons. L'ordre s'exécute avec rapidité. La bande disparaît comme escamotée, juste au moment où apparaît, à 500 mètres environ, une troupe de gens à cheval. Une amazone suivie à de longueur de 3 cavaliers. C'est une toute jeune fille qui monte, avec l'aisance d'une écuyère consommée, un superbe cheval noir. Inconsciente du péril, savourant avec délice la fraîcheur embaumée du grand bois, elle maintient avec peine au pas les talons au pelage d'ébène. Vêtue de blanc, d'un joli blanc crémeux, soutachée d'or, coiffée d'un feutre gris clair au large bord, à la mousquetaire, avec une longue plume blanche piquée sous une des ailes relevées, elle passe comme une vision radieuse de jeunesse, d'élégance et de beauté. D'idéale et surhumaine beauté, une de ces merveilleuses figures espagnoles dont l'harmonie et l'expression désespèrent l'enthousiasme des descriptions et font davantage ressortir l'emphase et la pauvreté des métaphores. Dents de perles et lèvres de corail, avec des yeux de diamant noir et un teint éclatant dont rien n'altère l'idéale pureté. Oh, ce teint de créole, sous lequel bouillonne, impétueux, le sang bleu. L'orgueil de ces blancs dont la race, jusqu'à ce jour, s'est perpétuée sans mélange. Ses narines délicates aspirent les effluves des corolles encore emperlées de rosée. Ses lèvres entr'ouvertes boivent le grand air, pendant que sa main d'enfant serre la fine cravache à pommeau de saphir. Un de ses péons s'approche et lui dit, avec cette familiarité respectueuse des vieux serviteurs, « Señorita, rentrons, je vous en prie. » Elle répond d'une voix affectueuse mais ferme, « Non, tout à l'heure, mon bon Toribio. » « Je veux faire encore un temps de galop, et puis songe donc, il est à peine 8 heures. »« Señorita, vous commettez une grave imprudence, il y a de mauvaises nouvelles. C'est pourquoi mon maître Don Blas, votre père, ne vous a pas accompagné, comme tous les jours, à la promenade. » Don Blas m'a défendu de passer cette limite. « Mais enfin, pourquoi ? C'est de la tyrannie. »« Non, señorita, c'est de la prudence. Car voyez-vous, j'ai peur. »« Mais peur de quoi, grand Dieu ?» s'écrie la jeune fille avec un rire joyeux qui sonne clair sous les grands arbres. « Ne riez pas, señorita. »« Il y a les gens de l'hacienda qui ne travaillent plus et deviennent insolents, comme s'ils allaient se révolter. On a vu rôder des gens de mine suspecte, et parmi eux Andrés, l'ancien mayoral de l'hacienda. » On a également aperçu des Indiens bravos. Don Blas m'a confié à vous, et s'il n'a pas voulu vous priver de votre plaisir favori, c'est moi qui le remplace et qui répond de vous sur ma tête. Eh bien, s'il était là, je lui dirais, mon cher papa, je veux encore aller plus loin. Et comme ce père exquis fait tout ce que je désire, tu feras comme lui, n'est-ce pas, mon bon Toribio? Et sur cette bonne raison, sans permettre à l'homme de confiance d'ajouter un mot, elle rend la main au cheval noir en criant, Adelante! Adelante, en avant, en avant! L'animal fait un bond énorme et part comme une flèche. La carabine en bandoulière, une main à la bride, l'autre main prête à saisir l'arme à répétition, les 3 cavaliers d'escorte piquent de l'éperon leur monture qui détale. Le peloton galope, galope éperdument, avec cette griserie de vitesse qui enfièvre les gens et les bêtes. Brusquement, le charme est rompu, un coup de sifflet déchire l'air, quelques flocons de fumée surgissent des buissons, et des coups de feu retentissent, assourdissants. Consciente alors de son imprudence, la jeune fille baisse la tête, mais il est trop tard. Un obstacle invisible se dresse devant elle, coupant la route, c'est le lasso. Tiré en sens inverse par Pablo et Benito, il forme une ligne rigide à hauteur de cavalier. Il rencontre l'Amazone au niveau de la poitrine, l'arrache de la selle et la jette sur le sol au moment où un cri de terreur lui échappe. Grâce à la rapidité folle de leur course, les péons sont manqués à bout portant. Mais leurs chevaux, les naseaux roussis par la flamme, s'élancent emballés, le mot rodant, n'obéissant plus ni à la bride ni à l'éperon. Les talons noirs bondissent avec eux, ils disparaissent, emportant les péons. La jeune fille reste seule, étourdie par ce choc terrible, embarrassée dans les plis de sa robe et se sentant mourir. Un appel désespéré jaillit de ses lèvres. « Au secours! Au secours !» Les bandits s'élancent des broussailles et Andrés apparaît à la malheureuse enfant. Elle frissonne d'épouvante, en reconnaissant l'ancien mayoral, le directeur de l'hacienda, parti après une scène atroce, en proférant d'horribles menaces. Il la dévisage avec une expression de haine indicible et s'écrie d'une voix entrecoupée par la fureur « Don Blas n'est pas là. J'espérais vous avoir tous les deux, du même coup, mais ce n'est que partie remise. Vous serez l'amorce à laquelle il viendra se prendre. » Et je l'aurai à moi, bien à moi, pieds et poings liés. Vous entendez, señorita Juana ? Brisée, elle se redresse, arc-boutée sur un genou, écrit son mépris au misérable. Lâche, lâche, dise contre moi. Moins lâche que votre père, qui, protégé par un millier de gens à ses gages, m'a jeté à la porte en me crossant à coups de botte, après m'avoir souffleté à tour de bras et coupé la figure à coups de cravache. Démonio ! On tue pour moins que cela. Mais la mort seule serait trop douce. Il me faut d'abord votre ruine. » Une détonation violente retentit dans la direction de l'hacienda. Il reprend avec un rire d'ironie triomphante. « C'est le signal de la révolte qui va porter le fer et le feu dans cette demeure maudite. Fer de Don Blas, Guerrero, l'hacendero, 10 fois millionnaire, un va-nu-pied comme moi, et de vous, sa fille, la prisonnière des Indiens, auquel je veux vous livrer. » À ces paroles atroces, la malheureuse enfant sent un frisson de glace l'envahir jusqu'aux moelles. Livrée aux Indiens, devenir la squaw, l'esclave, la bête de somme de ses peaux rouges, être rouée de coups, subir toutes les violences, toutes les férocités, elle, l'enfant chéri de parents idolâtres, la petite reine de cette région opulente. Elle pousse un cri strident, un cri de folie, et râle, d'une voix étranglée, plutôt la mort. « Tuez-moi donc !» Mais Andrés, qui savoure l'épouvantable vengeance, répond d'un ton goguenard. « Non pas, je n'ai qu'une parole, mais assez causée. Camarade, garrottez, bâillonnez cet aimable enfant, et puis en route !» En un clin d'œil, un zarape, un manteau, est lancé sur la jeune fille et paralyse ses mouvements. Comme elle essaye de se débattre, un lasso est enroulé autour de ses membres délicats, et Andrés répond, en ricanant, « Le tatouage indien lui siéra à merveille. » À peine ces paroles infâmes sont-elles proférées, qu'un éclat de rire d'une ironie cinglante vibre sous la feuillée. Puis, une voix jeune, sonore, bien timbrée, s'écrie avec un indicible accent de raillerie, « Pas possible !» En même temps, les branches s'écartent et un homme apparaît. Il fait quelques pas, s'arrête, toise de haut le groupe de malandrins, puis l'ajoute, avec une tranquillité vraiment impressionnante, « Vous faites une action indigne de Caballeros et vous allez rendre la liberté à la señorita, n'est-ce pas ? Puis, vous lui demanderez humblement pardon. » Andrés et ses hommes regardent abasourdis cet inconnu. Il ne peut être seul, et chacun s'attend à voir bondir près de lui une troupe nombreuse. La peur les saisit. Voyant que nul bouge, le nouveau fronce le sourcil et ajoute « J'attends. Faites vite ou je me fâche. » Ils sont là 10, armés de couteaux et de revolvers. 10 hommes résolus, dans la force de l'âge. De ces aventuriers si nombreux à la frontière des États-Unis et du Mexique et habitués à faire bon marché de la vie humaine. « Et si je refuse ?» riposte Andrés, essayant de braver. L'inconnu répond, goguenard. « Comme je suis aujourd'hui d'excellente humeur, je me contenterai de vous assommer, tous. Si j'avais mes nerfs, eh bien, je vous ferais sans peine et sans effort passer de vie à trépas, voilà. » Cette insolente bravade leur arrache un cri de rage, et Andrés, brandissant sa machette, s'écrie « Il est seul, camarade. Il nous faut sa vie. En avant !» L'inconnu se met à rire aux éclats, comme si la vue de ces gredins qui se ruent exaspérés, la lame au poing, était la chose la plus comique du monde. Sa voix vibre tout à coup en éclats de trompette, il s'écrie « Eh oui, rascal, je suis seul, mais vous êtes des Mexicains menteurs, vantards et bravaches, des héros de grand chemin qui attaquaient les femmes. Et moi, je m'appelle Jean de Fer. » À ce nom redouté, Andrés pallie et murmure « Juan de Hierro, j'aurais dû m'en douter, il n'y a que lui pour parler ainsi. » Puis il ajoute, enflant la voix pour s'exciter, « Mais nous sommes 10, et les meilleurs couteaux du pays. C'est nous, Jean de Fer, qu'allons te massacrer. » Cette menace, d'ailleurs, ne paraît guère émouvoir le porteur de ce nom retentissant. C'est un jeune homme qui ne paraît pas plus de 22 ans. Plutôt grand, la poitrine bombée, les hanches étroites, les épaules larges, la main petite, le pied cambré, tout en lui indique la force et l'agilité. Avec cela, un gaillard superbe, au teint blanc à peine hâlé, au nez légèrement recourbé, à la fine moustache brune, aux grands yeux bleus doux et rêveurs qui maintenant flamboient. Oui, un superbe luron, sympathique et joyeux, avec un je ne sais quoi d'audacieux et tranquille, empreint d'une joie endiablée de vivre. Il riposte, dédaigneux. « Et moi, je vais vous crosser à coups de pied, comme des chiens que vous êtes. » Andrés, écumant de fureur, se jette sur lui à corps perdu, le couteau levé. Jean de Fer est armé. La poignée de son revolver émerge du pistol pocket. Il dédaigne d'y mettre la main et détache au bandit un formidable coup de pied. Atteint au creux de l'estomac, Andrés fait « Oh !» et tombe la face en avant comme mort. « Fusillé !» s'écrie Jean avec son rire cinglant. Le groupe d'hommes s'élance, compact, sous la ligne de couteaux. Deux de ces drôles, pour leur malheur, se trouvent un peu en avant. Avec la vitesse de la pensée, Jean le renvoie dans les jambes de ruades courtes, serrées, de ses coups secs qu'écrase les muscles et fêle les os. Culbuté en plein élan, ils s'abattent, crient et s'accrampent pendant que Jean de Fer, qui s'amuse comme un bienheureux, ajoute « Et de trois !» Pour se donner un peu d'air, il exécute en arrière une triomphante cabriole et s'écrie « Votre chef est par terre, vous voyez comment j'opère. Allons, ne me forcez pas à vous assommer tous. Ne faites pas les mauvaises têtes. Détachez la señorita. Demandez-lui pardon à deux genoux et allez-vous-en. » Tout cela n'a pas duré 30 secondes. Mais au lieu d'obéir à ce sage conseil, aveuglé par la rage, les 7 hommes se précipitent de nouveau en hurlant « À mort! À mort !» Jean de Fer se ramasse sur lui-même et brusquement fait un bond prodigieux. Au moment où les couteaux vont trouer sa chair, il passe comme une flèche au-dessus du groupe interloqué. Et pendant cet instant, si court, où il se trouve entre ciel et terre, son talon aplatit un crâne. Il touche le sol et son pied, projeté en ruade, casse les reins à un 5e bandit. Par terre, c'est un enchevêtrement pittoresque de torses et de membres, de têtes et de sombreros, de faces grimaçantes et de mains crispées, un tas de gens hors de combat qui sacrent et qui jurent. « Là, je vous le disais bien, » fait le jeune homme avec son ironie tranquille, « vous ne tenez pas sur vos jambes et vous maniez vos couteaux comme des cure-dents. Vous voilà démoli à coups de pied, comme je vous l'ai promis, et ce n'est pas fini. » « Oh non, ce n'est pas fini, mille diables d'enfer !» gronde en se retournant Benito. Furieux de honte et surtout de cupidité déçue, le bandit tire son revolver, le bras cabot portant sur la poitrine de Jean de Fer et s'écrie « Et toi, meurs donc !» Mais rien n'échappe à l'œil de ce formidable jouteur. Benito n'a même pas le temps de serrer la détente. Sa main qui tient l'arme est happée comme une tenaille d'acier, puis serrée, aplatie, écrasée. Les ongles bleuissent, la chair saigne. Le revolver tombe et Benito, haletant, la face contractée par une douleur épouvantable, s'abat sur les genoux en râlant. « Grâce, pitié, Seigneur Don Juan, pitié !» Jean de Fer se met à rire et, sans lâcher la main qu'il broie toujours, imprime au corps du malandrin une sorte de mouvement giratoire. Benito perd pied, tourne et virevolte en hurlant comme si on l'écorchait tout vif. Brusquement, Jean de Fer laisse aller la main. Obéissant aux lois de la force centrifuge, le corps de Benito s'échappe par la tangente. Il arrive comme un boulet sur les 4 hommes demeurés seuls debout et qui regardent, terrifiés. Fauchés, culbutés par le choc, ils s'abattent en criant d'autant plus fort qu'ils sont sans blessure. « Silence !» commande rudement Jean de Fer. « Silence, et bas les armes. Allons, à terre les couteaux, à terre les revolvers, et surtout pas de traîtrise !» L'infernal charivari s'arrête. Les plus valides se relèvent, contemplent ébahis cet homme qui les a nargués en bloc et démolis en détail, et docilement obéissent. Les autres demeurent étendus et parmi eux Andrés évanoui ou grièvement blessé. Jean de Fer lance à la volée les armes dans les broussailles et peut enfin s'approcher de la jeune fille qui gémit faiblement sous le zarab. Il retire le lourd tissu qui l'étouffe, arrache les liens qui engourdissent ses membres et, se découvrant respectueusement, lui dit d'une voix attendrie « Ne craignez rien, señorita. Vous êtes sous ma sauvegarde, et moi, vivant, nul n'osera vous toucher. » Stupéfaite et ravie, elle fixe sur Jean ses beaux grands yeux au regard d'épouvante, sourit à travers ses larmes et balbutie « Merci, oh merci, de toute mon âme, à vous qui m'avez sauvé. » Elle voit les piques jonchées de corps étalés pêle-mêle et le reste de la troupe désarmée, ne pouvant concevoir que ce grand garçon costumé en cow-boy américain et pu faire une telle besogne. Elle frissonne de terreur et de dégoût, puis ajoute « Oh, je vous en prie, emmenez-moi. » Ébloui, le cœur battant, plus ému 100 fois que s'il lui fallait affronter un régiment, il lui présente la main pour l'aider à se relever, s'incline et répond « Tel est mon plus vif désir, señorita. Je vais auparavant. » Une seconde détonation plus violente que la première éclate dans la direction de l'hacienda. Puis, une fusillade intense crépite. « Oh, partons, je vous en prie !» implore la jeune fille terrifiée par ces bruits de bataille. « Seigneur Dieu, protégez mon père et ma mère !»« À vos ordres, señorita !» répond Jean. Il pousse alors un coup de sifflet strident, suivi à 3 reprises du cri du coyote, imité avec une perfection singulière. À ce signal, un cheval rouan, équipé en guerre, maigre, de moyenne taille, tout en muscles, l'œil plein de feu, jaillit hors des buissons et vient câlinement frotter sa tête intelligente sur l'épaule de son maître. « C'est bien, Bob, » dit le jeune homme. « Vous êtes une bonne et vaillante bête. » Puis il ajoute, parlant à la jeune fille, « Pensez-vous, señorita, pouvoir vous tenir à cheval ?» Elle répond avec effort, « Je tâcherai. Cette chute m'a brisée. Mais je veux retourner là-bas, près des miens. Au péril, au devoir. Je vais vous asseoir sur la selle, puis je marcherai en avant. Bob, qui est d'une intelligence merveilleuse, me suivra pas à pas, comme un chien, dans les talons. » La selle mexicaine, très élevée de l'arrière et de l'avant, encastre pour ainsi dire le cavalier. Jean soulève comme un enfant la jeune fille et dit « Vous serez là comme dans un fauteuil. Du reste, je pourrai vous attacher. » Une détonation lui coupe la parole. Il fléchit sur ses jambes, se redresse d'un effort énergique en tressaillant de tous ses membres. « Vous êtes blessé ?» dit la jeune fille en pâlissant. « Non, señorita, ce n'est rien. Merci. » En même temps, des clameurs sauvages retentissent de tous côtés. Des cavaliers à demi-nus, enluminés de couleurs violentes, s'élancent des taillis en agitant des haches et des carabines. Le cheval de Jean, admirablement dressé, renâcle, mais ne bronche pas, malgré les hennissements des bêtes et les hurlements des gens. « Ya-hou-hou-hou ! Ya-hou-hou-hou ! » C'est le cri de guerre des Apaches. Les brigands reconnaissent leurs alliés, poussent des cris de triomphe. « Les Indiens ! Les Indiens ! C'est la revanche ! À nous, peau rouge, à nous !»